La force de Coriolis, de Catel Guillou. Troisième épisode. Cet endroit est magnifique, c'est vrai. Et pourtant, même ici, je sens que je ne pourrais pas rester. Le sol est encore trop ferme. Les montagnes trop inébranlables. Il me fait penser à Thémataï. Tout cela manque tellement de vibrations. Il a l'âge qu'il aurait à présent. Si l'île pouvait se transformer. Il a un peu de sa colère aussi. Et voguer. Thémataï. Alors qui sait? Tu étais fier et farouche comme le vent. Aussi imprévisible, aussi insaisissable que lui. Qu'allais-tu donc chercher dans la mer impétueuse et noire cette nuit-là? Comment cela arrive-t-il? Toi qui ne tenais pas en place. Un jour, tu resteras désormais notre propre enfant vous apparaît subitement comme un autre. Et je te promets de venir la fleurir chaque jour. Il ne vous appartient plus. Qu'il me sera donné de vivre jusqu'à ma mort. Vous le reconnaissez à peine. Il vous échappe. Comme sa voix de petit garçon s'est échappée de sa gorge à tout jamais. Aujourd'hui, tu es loin. Infiniment loin de moi, mon Mathias. Pourquoi suis-je la seule à voir ce que je vois? Et pourtant, tu es là, tout près. À sentir ce que je sens. Je peux encore entendre ton cœur battre dans mon ventre. Même Chris ne comprend rien à ce que j'essaie de lui dire. Il me croit folle, c'est sûr. Je ne sais même plus comment lui parler. Et s'il avait raison? Quoi que je puisse dire ou faire, pourtant, je sais. Elle l'interprète à l'envers et m'accuse de tous les maux. Je sais ce que les autres ignorent. L'angoisse la rend si agressive. Ce qu'ils ne veulent pas avoir. Et les médicaments n'arrangent rien. De savoir. On ne pourra pas continuer de cette façon, c'est impossible. Je le leur dirai. Non. Si ça continue comme ça, elle finira par se détruire. Et me détruira avec elle. Emmène-moi avec toi. Je ne peux pas. Tu es mort. Je ne suis pas mort, puisque je te parle. C'est vrai. Mais alors, tu peux vraiment parler? Tous les animaux parlent. Le problème, c'est que vous ne savez pas nous entendre. Moi, je sais. C'est trop tard. Tamara te lovera dans sa paume. Tamara? Qui est Tamara? Or, tel qu'un pêcheur d'or au coquillage. Encore un peu de thé, Paoti. Merci, Raymond. Bien dormi, on est loin. Ça va. Vous aviez raison. Elle est arrivée, finalement. Qui ça? Eh bien, la tempête. Ce n'est plus une tempête. Comment ça? Elle a été requalifiée en cyclone. Ils viennent de le dire à la radio. Ils prévoient des vents de plus de 200 km/h. 200 km/h? Je suis désolée pour vous, mais je crois que vous êtes condamné à rester quelques jours de plus ici. Et de toute façon, vous n'avez plus le choix. Il est interdit de prendre la mer ou de circuler sur les routes depuis ce matin. Quand doit-il arriver? Ce soir ou la nuit prochaine. Je vais aller renforcer les amarres de mon bateau. Faites attention, la mer est déjà déchaînée. Prenez votre café au moins. Qu'est-ce que c'est bon ça? C'est la spécialité de Shanghai, ça s'appelle poisson à l'écureuil. Oula, d'accord. Cela fait longtemps que vous travaillez dans le marché de carbone. Quelques années. Puis je vous demandais, si ce n'est pas indiscret, ce que vous faisiez avant. Eh bien, à l'origine, j'étais trader dans une grande banque à New York. Quand la crise des subprimes est arrivée, j'ai été l'un des premiers à être envoyé. J'avais aussi été l'un des derniers recrutés. Logique, quoi. Heureusement, j'ai réussi à négocier pour partir avec un bon petit parachute. Au moins, j'avais pas fait toutes ces études pour rien. Alors, j'ai acheté une moto et je suis parti sur les routes. Easy Rider, vous connaissez ? Oui, bien sûr. Un rêve d'adolescent. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert mon pays. Et que j'ai vu ce qu'il était en train de devenir. Et qu'est-ce que vous avez vu ? De l'Iowa à la Géorgie. Du Kansas au Nevada, ce n'était que des plaines jaunes et desséchées. Des centaines et des centaines d'hectares carbonisés par le soleil. Dans l'Illinois où j'ai grandi, je ne reconnaissais même plus les champs de maïs et de colza où j'avais l'habitude de jouer enfant. Ils ressemblaient maintenant à ces images de paysages martiens prises par les robots et qu'on peut voir sur Twitter. À ce moment-là, j'ai compris que toutes les valeurs auxquelles je croyais étaient bidons. Bidon, ça veut dire ? Ah. Alors j'ai décidé de faire quelque chose. Quelque chose d'utile, avec les moyens qui étaient les miens. La Californie inaugurait le premier marché du carbone des États-Unis. Je me suis installé à San Francisco, où je suis d'abord devenu trader en CO2. Et puis j'ai cofondé Easy Carbone. Et depuis, j'essaie de contribuer à rétablir l'équilibre entre la croissance des sociétés et la santé de la planète. Je pense que l'économie et l'environnement sont comme le yin et le yang. Madame Liu dit que l'économie et l'environnement doivent être comme le yin et le yang. C'est à la fois complémentaire et interdépendant. Exactement. C'est parfaitement résumé. La Chine a pensé cela depuis longtemps. Sans doute. Sans doute. Et vous voyez, dans cette optique, même les animaux peuvent devenir une richesse. Les animaux ? Mais oui. Vous savez que la biodiversité est aujourd'hui en grand danger. Beaucoup d'animaux sauvages sont en voie de disparition, n'est-ce pas ? Cela signifie qu'ils sont rares. Or, tout ce qui est rare devient précieux. Autrement dit, cela prend automatiquement de la valeur. Prenons par exemple le panda. Vous aimez bien les pandas ici en Chine, n'est-ce pas ? Ce sont des trésors nationaux. Comme tant d'autres animaux, le panda est hélas en voie d'extinction. Pourquoi ? Parce que son habitat naturel ne cesse de se réduire du fait de l'activité humaine. Si par exemple une entreprise veut créer un supermarché ou une route et qu'elle doit pour cela détruire une partie du territoire où vit le panda, elle aura une action néfaste sur l'environnement. Vous êtes d'accord ? Mais si cette entreprise est bien intentionnée et qu'elle veut réaliser son projet sans pour autant mettre en péril la survie du panda, que peut-elle faire ? À votre avis ? Construire ailleurs ? Et si c'est ici que doit passer la route, et pas ailleurs ? Eh bien, il y a une solution. Admettons qu'une banque spécialisée dans le marché vert, une biobanque, achète plusieurs hectares d'un territoire où vivent des pandas. Elle sanctuarise la zone et lui attribue une cotation. En faisant cela, non seulement elle assure la préservation de l'animal, mais elle lui donne aussi une valeur économique. Je ne comprends pas. Mais si. En plaçant ces pandas sur la bourse verte, la banque en question pourra revendre des actions panda à l'entreprise pollueuse, laquelle compensera ainsi son impact environnemental négatif par un comportement vertueux, puisque son investissement permettra à la biobanque de maintenir une zone protégée. L'entreprise prouvera ainsi sa bonne volonté écologique, tout en assurant ses propres intérêts. Tout à fait. La nature recèle une richesse économique incommensurable. Car ce qui est vrai pour le panda l'est également pour le tigre, le pangolin, la tortue, et même le ginkgo biloba, les rivières, et pourquoi pas le Yangtze-Kiang lui-même. Imaginez un peu l'immensité du marché qui s'ouvre dès lors que l'on rend cette richesse visible. Je vous le dis en vérité, la nature, c'est le nouvel Eldorado. C'est tout à fait d'accord. Campé. Campé. Campé. Campé. Bienvenue sur RFI, il est 7h à Paris, 13h à Shanghai, 22h à San Francisco. Ouverture du premier marché du carbone en Chine. Le directeur du bureau du climat à l'agence de planification chinoise a déclaré qu'il serait le premier au monde et qu'il couvrirait la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. En Océanie, la tempête tropicale Tamara, qui a déjà touché les îles Samoa, a été reclassée cyclone de catégorie 3 et se dirige actuellement vers la Polynésie. Les autorités locales ont décrété l'état d'urgence et interdit la circulation sur terre comme sur mer jusqu'à la levée de l'alerte. Nouveau record pour la fonte de la banquise en Arctique. La surface s'est réduite pour la première fois à moins d'un million de kilomètres carrés cette année. D'après les chercheurs, elle pourrait disparaître totalement d'ici l'été prochain. Hervé, c'est Joël. Je te réveille. Dis, tu as eu des nouvelles de Mathias récemment ? Tout dépend de ce qu'on entend par récemment. Pourquoi ? Je viens d'apprendre qu'il y a un cyclone qui est en train de traverser le Pacifique Sud. Tu crois qu'il pourrait se trouver là-bas ? Impossible. La dernière fois qu'il m'a envoyé une photo, il était à Tahiti. Oh. Non mais attends, calme-toi. Il t'a dit s'il comptait rester dans l'archipel ? Il est classé catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il peut causer de très gros dégâts. Non mais t'en fais pas. Mathias sait ce qu'il fait. S'il t'appelle, fais-moi signe, d'accord ? D'accord. Et toi, ça va ? Faut que j'y aille. Je vais être en retard à ma réunion. Au revoir, Hervé. Bonne journée. Mais qu'est-ce que vous fichez encore sur ce bateau, bon sang ? Il est bien amarré, ça va ? Venez vous mettre à l'abri. Mais je cherche quelque chose ! Quoi ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Un cahier. Un cahier ? Mais vous le retrouverez plus tard, votre cahier ! Mais au pire, ça se rachète. Allez, dépêchez-vous ! Ah, mais c'est un cahier particulier ! Il m'a été offert lors de mon premier voyage en mer, j'y tiens beaucoup, voilà. Bon. Il est comment ce cahier ? Vert, avec un wapiti dessous. Un quoi ? Un wapiti, c'est un cervidé qui vit dans les forêts du Canada. Attention ! Écoutez, il faut vraiment y aller maintenant. Si vous avez besoin d'écrire, vous trouverez tout ça dans la maison de Mayena. Allez, ne faites pas l'enfant. Les Russes ont donné leur accord sur le planning à 3 semaines. Ils proposent même d'en profiter pour pousser la campagne jusqu'en mer du Groenland. C'est super, ça. Venant des Russes, c'est même inespéré. C'est une formidable occasion, en effet. Ça fait plusieurs années qu'aucune recherche approfondie n'a été menée là-bas. Nous allons contacter les autorités danoises et islandaises pour préparer des éventuelles demandes d'autorisation. Il faudrait aussi en discuter avec les Canadiens. Ça pourrait les intéresser. T'es d'accord, Joël ? Quoi ? Excuse-moi, Loïc, tu disais ? Si on prolonge la mission jusqu'au Groenland, on pourrait essayer de mettre les Canadiens dans le coup, non ? Ah oui, les Canadiens, bien sûr. Et question météo, ça pose pas de problème d'aller au Groenland à cette période de l'année ? Il fera probablement un peu froid, mais le temps ne pourra pas être beaucoup plus agité qu'en mer de Norvège. Au niveau du matériel, on en est où ? Parce que tout est en ordre, il ne manque plus que le flocam pour l'analyse du plancton. Et le nouveau robot explorateur ? Il est fin prêt pour le grand départ. J'ai hâte de faire sa connaissance. On pourrait passer le voir tout à l'heure, hein, Joël ? Joël ? Il y a quelque chose qui va pas ? Non ? Oui. Allons saluer ce fameux Oscar. Depuis le temps qu'on l'attend. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous pour votre présence. Je vous tiens au courant en ce qui concerne l'extension de notre croisière vers le Grand Nord. Et d'ici là, vous pouvez commencer à faire votre stock de chaussettes en laine. Sûrement. Bernard ? Oui, Joël. Tu as entendu parler du cyclone dans le Pacifique ? Tamara ? Oui, bien sûr. Il paraît qu'il va balayer la Polynésie. Tu sais, la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. Il va peut-être toucher un archipel ou deux, mais il va pas tout dévaster. Mais c'est sérieux ? Ça m'en a tout l'air. Ce cyclone n'arrête pas de grossir depuis qu'il a touché les Samoa. Il pourrait même atteindre des vents de 250 km/h. Pourquoi ? Tu as des collègues là-bas en ce moment ? Pas des collègues, non. Alors Joël, tu viens ? On va dire bonjour à notre cher robot. Quoi ? Il y a un problème ? Après tout, c'est aussi bien que l'opéra de Pékin, bon. Oui, l'opéra de Pékin, c'est un peu, comment dire, ringard. C'est bien ce que je pensais. Les Chinois adorent le karaoké. Ici, on ne peut pas signer un contrat d'affaires sans être allé au moins une fois au karaoké. Ah non ? C'est bon à savoir. Qu'avez-vous ? Vous ne chantez pas ? Moi ? Oh non, je me sens trop mal. Dans ce genre d'endroit, c'est pas la qualité de la prestation qui compte. C'est ça l'avantage. Oui, mais tout de même. Et puis, je n'aime pas trop les chansons chinoises. Vous préférez la pop anglaise, peut-être, hein? Lucy in the skies with diamonds. Lucy, c'est votre vrai prénom? Hein? Oh non, Lucie, c'est pour les étrangers, parce que souvent, ils n'arrivent pas à prononcer mon prénom. En fait, je m'appelle Ting Ting. Comment ? Ting Ting. Ting, ça veut dire brillant en chinois. Ting Ting, ça veut dire deux fois brillant. C'est carrément éblouissant, alors. Je crois que votre téléphone sonne. Ah oui. De toute façon, avec ce bruit, je pourrais rien entendre. Votre fiancée sera sûrement contente de vous revoir demain. Je retourne pas à San Francisco tout de suite. Je dois d'abord aller à Lima, au Pérou, pour une autre conférence. Ah. D'ailleurs, il vaut mieux que je rentre pas trop tard ce soir. Je voudrais faire une bonne nuit avant de me reprendre 11 heures de décalage horaire dans les dents. Elle va encore s'inquiéter, alors. C'est ça ? Votre fiancée ? Oh, de toute façon, elle s'inquiète tout le temps, pour tout. La nuit ne va pas finir. Les étoiles elles-mêmes ont déjà disparu. Dors, Tamara. Dors, me murmurait grand-père. Demain, le jour te sourira. Et il se mettait à chanter. Mais qui peut prétendre en toute certitude que le soleil se lèvera de nouveau chaque matin ? La nuit ne va pas finir. Je ne fermerai plus les yeux. Je veux voir la terre se soulever quand elle recrachera le venin qui fermente dans ses entrailles. Je veux l'entendre hurler quand elle régurgitera les rejetons monstrueux dont nous l'avons grevé depuis les siècles des siècles. Car l'heure est proche de la grande vengeance. Cela commencera par des spasmes foudroyants. Pas un endroit de la planète qui ne sera secoué de convulsions. Il n'y aura plus nord ni sud, ni est ni ouest. Et le sol s'ouvrira et la terre se retournera comme un gant. L'océan se dressera en muraille de mercure devant chaque continent. Des colonnes d'écume tournoieront dans les airs avant de retomber en cataracte de feu sur nos villes sales, empoisonnées. Les rues se transformeront en torrents de lave noire et bouillante. Les immeubles s'affaleront dans des gerbes de soufre. Les tours basculeront comme des quilles. Et la terre dégorgera les âmes de tous ses enfants suppliciés. La nuit ne va pas finir. Je m'appelle Tamara. Et la terre est le feu. Et la mer est le vent. Passeront par ma bouche. I soon will be down with the trouble of the world, going home to live with God. La force de Coriolis, de Catel Guillot, troisième épisode, avec Arnaud Giovanninetti, Chris, Lara Brühl, Mayana, Robinson Stévenin, Mathias, Nathalie Villeneuve, Joël, Julie Denis, Tamara, Sophie Laure, Jing Jing, Jean-Claude Frissung, Raymond, Lise Cornier, Inanoui, Laurent Lederer, Loïc, Adrien Michaud, l'éléphant de mer, Yves Yann, le professeur chinois, Ariane Wang, Madame Liu, Ralph Rousseau, le journaliste de RFI, Éric Herson-Macarel, Hervé, Karine Abella, Sandra, Didier Mérigou, Stéphane, Louis-Marie Audubert, Bernard, Ping Chang, Olivier Chen, Cognan Yuan, Chun Liang, Jiuxia Le Flau, David Faure, Shi Zhong Tian, Yilin Yang, Lan Chu Touré, Qi Qian Xie, Alice Chang, Lucie Duvert, Yakun Leroux, Tivei Liu, Ruifang Liu et Pauline Dubreuil. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Bruitage, Sophie Bissens, assistée de Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à Michael Simon pour la documentation sonore. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Juliette Eman.